veux pas dire qu'y'a rien à faire, mes petits frères. Et pierre devant du crack, veux prendre du cash pour flamber tous les théâtres. Voir tes venturas, des putes qui friment, du shit, des clopes en duty free, des cocktails de foulet camouflés dans des bouteilles de multifruits. On multiplie les tirs, toujours anti-flic. Jamais t'avoue, mec, dis lui, y'a que des dalleux. Le 18, c'est le piège à loup, trop mal payé pour obéir. Au moins à l'OPJ, j'suis tombé dedans comme Obélix. J'te parle de la vodka, pas d'eau bénite. Tout le monde dévie, les procès défilent et tous les pédés pleurent. On baisse les keufs, y'a plus souvent du shit que des clopes et des feuilles. L'impression d'être maudit, pour ça que nos petits sont grave hostiles. Certains vomis dans les taudis, mais les escrocs sont à Wall Street. Sûr de digérer toutes ces dérives, tous les délires des dirigeants. C'est Western à Paris avec la brink en guise de diligence. L'attitude parle, si tu braves, j'arrive du bas, du shit tout part. Si tu fumes pas, porte un masque, viens du bas. Chance en vacances. Violence en vadrouille, la haine patrouille, tu l'esquives pas, elle est partout. Un petit implante un autre, il était juste un peu jaloux. Faut éviter d'y mettre la patte. Le 18ème, un piège jaloux. Chance en vacances. Violence en vadrouille, la haine patrouille, tu l'esquives pas, elle est partout. Un petit implante un autre, il était juste un peu jaloux. Faut éviter d'y mettre la patte. Le 18ème, un piège jaloux. C'est comme partout, y'a ceux qui s'affichent, ceux qui ont la classe. Le piège jaloux, un monde à part que j'ai pas trouvé dans mon atlas. Des chiens de la casse dans les équipes d'ici, tu vois pas de patte folle que des morceaux, plus de morceaux dans mon stylo. Dans un iPhone, un ras-le-bol, marre d'attendre toujours dans son tunnel. Pour retrouver la chance, perds pas ton temps, c'est direction les pompes funèbres. Toujours tendu niveau bif, le piège à loup, un sordide. Mi défoncé, mi sportif, sur l'autoroute, c'est Need for Speed. C'est pas fictif, marre d'élite, tige d'élite, fuite, veulent finir au pays des litchis avec des bitches. Une 8, 6 pour 18, coup de bélier, c'est vite fait. Pour avoir du boulot alors qu'il est, faut être un huissier. Arrêtez de nous casser les couilles, on a trop dit entasser les tous, encaisser les coups, ça saoule. Alors vous étonnez pas de ramasser les doux, ça suffit pas d'être un français, dur de réussir si t'es foncé. Certains fumeraient de la fucelle, ces gens disaient que ça défonçait. On voit à la citerne, marre des sirènes et des lardus aux fesses. Un bon gros pet en cas de migraine, plus efficace qu'un urophène. Marre du FN et de la police, on veut juste être tranquille. Ça paraît impossible comme payer son grossiste avec des pièces en cul. 18ème, un grand gaillard qui a d'appétit. Bellex, si t'entends clic-clac, c'est pas le bruit d'un canapé lit. Mes seuls projets, finir l'album et acheter une bagnole pour nous l'avenir. C'est le nom d'un bar au fond de la rue Pajol. Ça, à l'époque, le crack à pâte, les ports. Normal, t'aimes pas ce décor, mais bon, y'a pas que des tox. On aime pas. Les forts, même les poignets dans les menottes. Dans le piège à loup, leader, price, CED, pas des limonades. Les mômes tous, avant de l'avoir vu, on vend la peau de l'ours. Pas de mots doux, j'envoie des cocktails molotov. Y'a pour tout ça après tout. La vérité sort pas de la bouche du maire. J'crois pas plus à l'avenir qu'à la thèse officielle des tours. J'en sors en vacances. Violence en vadrouille, la haine patrouille, tu l'esquives pas, elle est partout. Un petit implante un autre, il était juste un peu jaloux. Faut éviter d'y mettre la patte. Le 18ème, un piège jaloux. J'en sors en vacances. Violence en vadrouille, la haine patrouille, tu l'esquives pas, elle est partout. Un petit implante un autre, il était juste un peu jaloux. Faut éviter d'y mettre la patte. Le 18ème, un piège jaloux.